je parlerai de la mise en valeur du patrimoine archéologique submergé à Alexandrie. Ce patrimoine archéologique d'Alexandrie, qui est connu pas depuis 1994, comme je l'écris ici, mais qui est connu depuis longtemps, même par, il était mentionné par De Vaujani dans la description de l'Égypte, et même le site de Kite Bay a été le sujet des visites touristiques vers 1895. Par un des abbés d'Alexandrie en ce moment, qui proposait des excursions vers Kite Bay dans des barques, et il propose aussi de nager, et si on trouve des pièces de monnaie, on peut les récupérer. Donc apparemment c'était depuis longtemps, mais les débuts scientifique, c'était en 94. Depuis 1908, il y a des activités sur l'archéologie sous-marine d'Alexandrie. C'était des tentatives individuelles, personnelles, mais en même temps respectables, pas dans d'autres parties de la Méditerranée où c'était une sorte de récupération d'objets. Donc on connaît très bien Malaval, et après lui, Gaston Jordet, qui ont découvert l'un derrière l'autre le port de Chela ou Chéronossos, et un port présumé de l'époque avant Alexandre, à la partie ouest de l'île de Pharos. Aussi, Omar Tosson a fait ses travaux après 1933 dans la ville d'Aboukir. Kamel Abou Saadet, il a rédigé ou il a dessiné des cartes pour la ville d'Aboukir et la ville d'Alexandrie. Il a aidé aussi à la récupération des statues et des objets du côté d'Alexandrie pour les antiquités. Toutes ces tentatives, c'était basé, disons, sur des faits scientifiques. Il y avait seulement en 1990 un club qui a fait la découverte d'une épave à Mamoura, mais c'était toutes les interprétations ont été fausses. 94, sur ce site, Kite Bay, le Conseil suprême des antiquités a donné l'ordre de jeter des blocs de ciment sur le site archéologique submergé. Avec l'aide d'Asmal Bakri, Amari Gaillard, on a pu arrêter ce projet, et l'SCA en ce moment a demandé à Jean-Empereur de prendre les fouilles de cette partie de la mer, en demandant de donner un rapport sur les objets qu'on doit renflouer pour continuer le projet. À la fin de, après un mois de travail en 1994, on est arrivé à la vérité qu'on ne peut pas renflouer tout ce qu'on a vu sous l'eau. Et on a dit qu'il faut faire une fouille systématique, et apparemment ça a marché parce qu'on continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Le travail maintenant est sous la direction d'Isabelle Iri, partie. La photogrammétrie est faite aussi par Mohamed Hussain et Mohamed Abdelaziz. Je crois qu'Isabelle va nous parler de ça dans deux jours. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un chantier de pierres, de tout type de pierres. J'ai peur de continuer à parler puisqu'Isabelle me regarde, mais c'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup de diapositives. Donc, granit, calcite, quartzite, diorite, comment s'appelle sandstone en français, Pardon? Et lequel? C'est pas Sandstone. Non, c'est le grain. Le grain. Ouais. Et aussi quelqu'un? Lamar. Lamar. Aussi, tout type d'éléments architecturels et statuaires grecs, gréco-romains et égyptiens. Tous ces éléments appartiennent bien sûr au phare lui-même et ce qui est à côté. Donc nous avons quelques photos aussi ici de Mohamed Saïd, je crois. Et Stéphane Compoin. Stéphane Compoin. Le travail qui a été fait depuis, c'est un travail méticuleux avec, avec les fichiers qui ont trouvé beaucoup d'évolutions, je crois. Et maintenant, la base de données n'est pas la même base de données que j'ai vue la dernière fois que j'ai travaillé sur ce site en 1998. La découverte elle-même, elle a fait beaucoup de bruit dans le monde. Je me souviens qu'on avait un grand dossier sur la couverture médiatique de la découverte elle-même. Plusieurs documentaires ont été faits lors de le reflouage des premières pièces. Il y avait un grand nombre de public et on a remarqué que après cette annonce, le nombre de visiteurs qui viennent au Citadel a augmenté. Ça, c'est d'après les inspecteurs du Citadel. Mais aussi, mes collègues au Théâtre Romain m'ont dit que les gens viennent et demandent où sont les objets qui ont été renfloués parce qu'ils ont entendu parler qu'ils sont dans les bacs pour la désalinisation. Je crois aussi que M. Jacques Chirac, le président de la République, c'est lui-même qui a demandé de venir visiter le site. Et pour lui, on a fait un 16 ans de travail, d'une semaine, je crois, pour faire sortir la tête. Et les journaux ont écrit en ce moment, le président rencontre l'empereur. Et on ne sait pas, ce qu'il voulait dire, l'empereur Ptolémée ou l'empereur Jean-Yves. Bon, ce site... comme vous voyez dans la carte de 2005, contient 2843. Je sais que maintenant nous sommes au-dessus de 3000. Ce travail très important qui a été fait par Isabelle, en tant aussi qu'architecte, donc elle a pu nous faire la différence entre les zones. Du site lui-même, un travail aussi qui est très bien fait par le service de cartographie du centre, qui a vu beaucoup de responsables, à partir de Nelly Martin jusqu'au Cécile Chanel maintenant. Mais aussi, Isabelle a pu nous donner ses pensées sur ce site lui-même, mais j'aimerais avant montrer ce photo. Je sais qu'il y a mieux maintenant, il y a plus grand maintenant, mais finalement, pour un long moment, jusqu'à peut-être l'année dernière, on n'a pas pu présenter le site ou une partie du site comme il faut. On ne présente que des cartes. Aujourd'hui, on peut présenter des photos du site lui-même grâce au travail qui a été fait par Mohamed Saïd et Mohamed Abdelaziz sur la photogrammétrie du site. Et finalement, l'interprétation d'Isabelle qui nous a fait bouger un peu l'emplacement du phare d'Alexandrie, qu'on pensait qu'il était sur l'emplacement du fort Kaïbay lui-même, puisque Nias a dit qu'il a été construit, que le fort a été construit sur l'emplacement du phare. Isabelle le pousse un peu vers l'est, un peu dans l'eau maintenant, juste. avec trois groupes de blocs antiques sur le site, un qui appartient au phare lui-même, l'autre à une essai de renfort dans une faille qui était faite par un tremblement de terre, et finalement ce qu'on voit là-bas un peu plus loin avec le reste d'un temple ou un sanctuaire des Ispariens dans le site pardon. Elle a pu aussi restituer la porte du phare lui-même qui fait 13 mètres d'hauteur et restituer aussi un groupe de colosses et de statues des rois lagides qui ornaient en ce moment le phare lui-même. Rentrant vers le port lui-même, Franck Gaudiot, il a fait en 92 des prospections magnétiques sous-marines dans le lac, dans le port lui-même et à Aboukir. Il revient encore une fois en 96 où il découvre lui aussi à peu près 1600 à 2000 pièces archéologiques sous l'eau. Mais ici, nous avons plus d'objets qui sont en relation avec l'époque gréco-romaine, puisque on est dans le quartier royal et le port de la ville d'Alexandrie, le célèbre port, le fameux port qui exportait les biens de l'Égypte, mais pas seulement l'Égypte, de l'Égypte, de l'Arabie et de l'Inde vers l'Europe, avec ce qu'on voit ici, des cours de 6000 mètres carrés de calcaire qui ont été interprétés comme le reste du palais de Cléopâtre et le reste du Thomonium. Nous n'avons pas de preuves, mais les gens continuent à en aiment très bien parler de donner des noms au site, et donc voilà, on le donne comme ça. Comme même le bateau qui a été découvert du 1er siècle avant, ils ont dit que c'est le bateau de Cléopâtre. Mais ce travail était important parce qu'il nous a montré l'organisation du port lui-même, les bassins du port, combien de ports nous avons, combien de bassins nous avons, qu'est-ce qu'il a été ajouté. On sait maintenant qu'il y avait des digues qui ont été construites à l'arrivée d'Alexandre ou peut-être un peu avant, d'après la datation du carbone 14. On sait très bien que les datations du carbone 14 ne sont pas fiables, mais jusqu'à maintenant, Archeolab, c'est un labo français qui a donné ces résultats, donc il faut revenir encore une fois à ce labo pour lui demander. Mais aussi, on a compris l'organisation, comment les bateaux rentrent, comment les bateaux sortent, et on a changé nos idées sur cette partie. Strabon, quand il a décrit Alexandrie, il a dit qu'il y avait l'île d'Antirudes et après la péninsule du Posidon. Mais en fait, et après lui, tout le monde a mis ça sur les cartes comme ça, Falaki et ceux qui ont venu d'après lui. Mais maintenant, on sait très bien que l'île existait vers l'ouest, puisque ici, il y a une coupure, et que la péninsule est à l'est, puisqu'on n'a pas de coupure entre la terre ferme et ce coude. Voilà comment les bateaux circulent dans le lac lui-même, pardon, dans le port, il faut changer. Et passons vite vers Kalokos, vers la baie d'Aboukir, où Omar Tosson a travaillé. Il a fait sa carte, il a dit que nous avons une petite ville qui s'appelle Minotis qui est là, et une autre ville, d'après les inscriptions, d'après les textes, je le mets ici, Héraklion. Après les fouilles, on a découvert qu'on a la ville qui a été désignée comme Minutes par Omar Tosson, maintenant on l'appelle East Canopus ou l'Est de Canop. Et Héraklion n'est pas là, mais elle est beaucoup vers le bas, à peu près 4 km au sud, où on a découvert les fameux colosses qui maintenant tournent le monde dans des expos, et on va parler de ça après. C'est une ville qui est connue depuis le 18e dynastie, donc de l'époque pharaonique, et qui a survécu jusqu'au 8e siècle après. Tout ça est revenu sous l'eau à cause des tremblements de terre, comme vous voyez le mur comme ça, et l'affaissement du terrain. Et il ne faut pas oublier aussi que dans les derniers deux siècles, l'eau a augmenté de 2 mètres d'hauteur. Quand vous voyez comme ça, nous avons les deux grands chantiers. Un qui est à Alexandrie l'Antique, et l'autre à Canope. Mais maintenant, Alexandrie englobe les deux sites. Entre ces deux sites, le département des antiquités sous-marines et le Hellenic Institute of Ancient and Medieval Alexandria Studies ont travaillé sur le cap Lochias lui-même, où on a pu localiser plusieurs objets qui ont en relation avec les palais de Ptolémée qui existaient un jour sur le cap Lochias lui-même, avec d'autres sites vers l'est. Aussi, on a compris que ce qu'on voit maintenant du cap Lochias fait seulement le tiers, et le deux tiers est englouti sous l'eau maintenant. Voilà quelques objets ou quelques pièces de ce qui a été trouvé sur ce site. Vers l'est, commençant par Ibrahimeia, et ça on ne le voit pas maintenant, c'est question d'aménagement des côtes. Notre cher gouverneur d'Alexandrie, que tout le monde aime, il s'appelle El Mahbou, a décidé d'élargir la corniche pour les voitures, et à cause de ça, on a perdu tout ce que vous pouvez voir ici en clair. Ce sont des tombeaux ou des bassins de pisciculture. Voilà. Carrière, c'est pas... En revenant encore une fois vers le sujet, ce qu'on a maintenant devant nous, c'est pas des carrières. Peut-être c'était des carrières, mais ça a été réutilisé et ça a été aménagé pour être des bassins de pisciculture. Normalement, dans les carrières, il faut avoir des fantômes, parce qu'on ne va pas mettre le temps pour polir les fonds et tout ça, et on n'a pas ça. Voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qui nous reste maintenant. Mais ce n'est pas facile aussi à plonger là-bas, puisque c'est pas l'étendue normale de la mer, et donc tout est agité dans cette partie de la corniche, donc on ne peut pas travailler comme il faut. On a commencé, le département a commencé des fouilles sur le lac Miami ou Gabriel Hur sur les cartes. Et c'est un port qui est connu, vous voyez il y a des bateaux ici, des bateaux de pêche, qui est connu jusqu'à le temps de Perry Rice, qui a mis sur ses cartes. Mais nous, on a travaillé sur l'île elle-même, et là-bas on a trouvé des zones de carrière avec des tombeaux. Vous pouvez voir aussi que ça, c'est pas le fait de la mer, c'est le fait de l'être humain. Bon, on a pris tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les objets qu'on a trouvés sous l'eau? En fait, ce qu'on a fait sortir en 1995, c'était très important parce que personne ne croyait qu'il y a des antiquités importantes sous l'eau. Et donc le choix de Jean-Yves et l'équipe, c'était de faire sortir ce qui est représentant du point de vue artistique, du point de vue archéologique, du point de vue historique. Et tout ça, après la désalinisation, a été mis au théâtre romain. Je me souviens très bien que c'était mis dans 3 jours, avant la visite de M. Jacques Chirac. Donc si on veut faire quelque chose, on peut le faire. C'est un des endroits qui sont très importants dans le théâtre romain parce que ça change un peu après une grande visite de théâtre, le théâtre lui-même, et de voir de loin les thermes et aller visiter la villa des oiseaux. Donc on revient encore une fois avec les panneaux faits et installés derrière le lapidarium, on peut comprendre qu'est-ce que s'est passé sur ce site et comment c'était passé aussi. D'autres pièces ont trouvé d'autres endroits plus importants, comme Ptolémée qui nous a quittés. Il est allé s'installer à côté de la bibliothèque alexandrine. Je n'aime pas l'emplacement où elle était mise parce qu'on ne le voit pas. Oui, et maintenant on est en discussion pour changer sa place. Et puisque c'était mon idée, j'étais jeune en ce moment, en short, quand j'ai dit on peut ramener ça, c'était en fait notre secrétaire général nous a demandé si nous avons des objets pour le musée de la bibliothèque pour les présenter. Et nous on a dit on n'a pas quelque chose qui est en relation avec la bibliothèque que Ptolémée II, donc il faut prendre Ptolémée II et sa femme. Mais, point de vue sexiste, ils ont pris l'homme, ils ont laissé le... En fait, il n'y avait pas un endroit qui peut prendre les deux ensemble. C'est ça ce qui m'a été dit à la bibliothèque. Mais aussi les autres objets, surtout les objets qui ont sorti des sites de où Franck ou Diofouille ont trouvé leur place dans le musée national d'Alexandrie et le musée de la bibliothèque. Mais en fait, ce n'était pas dans un contexte ou dans un scénario qui fait un tout avec la visite ou ce musée ou l'autre musée, et en même temps la collection a vu s'est déchirée entre 3 endroits, 2 musées et les dépôts. Beaucoup d'objets ont eu même un visa pour l'étranger. Il y a beaucoup des archéologues sous-marins qui n'ont pas eu. Mais commençons par 98, l'expo de la gloire d'Alexandrie, avec 2 pièces, n'est-ce pas ? 2 pièces seulement, dont le colosse de Ptolémée. Il a visité Paris dans le Petit Palais et Agde après. Après, en 2006, Paris encore une fois, mais pour les objets de... Franck Audio, mais pas seulement à Paris, mais Paris, Berlin, Londres, les États-Unis, le Japon, l'Italie, l'Espagne, donc ils ont fait un grand tour, et aujourd'hui, après Paris, il est maintenant au British Museum. Ils sont maintenant au British Museum, avant la bibliothèque. Donc, il fallait penser dans un moment, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les objets, tous les blocs que nous avons sous l'eau. Est-ce qu'il faut renflouer tout? C'est une question. Si on va les renflouer, qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment faire pour la restauration de tous ces objets? Donc, la décision a été prise que tous les objets qui font moins que 200 km vont être, pardon, 200 kg vont être renfloués et le reste on va les laisser sous l'eau. Avec l'exception bien sûr des pièces spectaculaires, si on peut dire, ou les pièces qui sont dans des endroits un peu dangereux, donc il faut les avoir. J'ai mis la traduction en anglais pour les gens qui ne comprennent pas le français, comme ça on peut, je peux couvrir un peu tout ce qu'on a devant nous. Donc destruction ou pillage, ce sont deux grands problèmes, avec aussi les chalutiers, avec les ancres des bateaux, surtout les grands bateaux, parce que par exemple dans le port est, pendant des moments, surtout dans la fête de la marine, et il y a des pièces de la marine qui rentrent dans le port et jettent leurs ancres qui ne sont pas petites, qui ne sont pas légères. Nous avons, la loi protège tout ça, mais l'outil de l'appliquer, c'est pas facile parce que la mer, elle appartient à l'armée, elle n'appartient pas aux civils. Donc les civils, ils sont bloqués par ou contrôlés par la police, mais la police lui-même ne peut pas rentrer dans les eaux. Et donc, il n'y a que les militaires qui ont le droit de protéger le site ou décider de protéger le site. Je vais maintenant montrer quelques exemples sur la présentation du patrimoine submergé dans le monde, commençant par un des musées qui a commencé, un des anciens musées, le Bodrum Museum, où on a présenté là-bas le Yassi Ada et Uluburun. Ce sont des épaves qui ont été trouvées sur les côtes de la Turquie par Laina Turki, qui était présidée par George Bass, le chef du Laina des États-Unis, aussi le Yassi Ada Shiprek et Sir Shilemani. Tout ça est à Bodrum. Mais au bout d'un moment, on a découvert dans le monde d'archéologues sous-marins qu'on ne peut pas faire sortir tout ce qu'on a sous la main, et donc ils ont commencé à chercher d'autres solutions. Donc ils ont commencé par exemple par avoir des types de protection comme les cages. Bien sûr, une cage comme ça ne va rien montrer, et on sait très bien que l'UNESCO demande toujours de laisser l'accès au public sur les sites archéologiques. Et donc, au bout du moment, on a trouvé d'autres solutions. Ces solutions ont commencé en Croatie, et maintenant sont partout dans le monde. Donc comme ça, on peut protéger le site lui-même, et en même temps, on peut voir les structures ou les épaves là-dessus. Il y a d'autres pays qui ont préféré laisser les sites ouverts aux gens, mais ils ont fait des circuits de plongée. D'autres ont utilisé les bateaux à fond plat, à fond transparent, pour visiter les sites. Israël, depuis les années 90, à la fin des années 90, ils ont fait un circuit sous la mer pour Caesarea Maritima, et après ils ont ouvert un musée en 2006. Aux États-Unis et au Canada, il y a le Monitor National Marine Sanctuary, où les gens peuvent aller visiter les sites, et ce sont des épaves du 18e, 19e siècle. Le vrai musée sous-marin, il a été inauguré en Chine. En fait, le site de l'UNESCO avait pendant plus que 10 ans deux projets de musées sous-marins. Un à Alexandrie, l'autre en Chine. Les Chinois ont pu faire leur musée et nous, on n'a pas encore commencé même les études pour faire ce musée. Et tout ce qu'il faut voir dans ce musée, comme vous voyez comme ça, il y a des panneaux. Et enfin, il y a des fenêtres, comme dans les sous-marins, comme dans les bateaux, pour voir quelques dessins et quelques statues de poissons. En fait, c'est un site qui ressemble à au Nilomètre chez nous, donc, où ils mettent les signes du niveau de la rivière en ce moment. Et ça, c'était fait parce qu'ils ont construit un barrage. Donc, il a couvert tous les signes qui ont été faites depuis 1000 ans, je crois. Ici, un échantillon de musées sous-marins et des musées maritimes partout dans le monde. On ne s'arrête pas ici, ça vient vers Isabelle qui va parler dans 2 jours. Et aussi les musées virtuels ou les visites des musées dans les galeries, à faire des galeries de photos et des descriptions, des petites descriptions sur l'internet. Et il y en a beaucoup. En fait, notre décision était conforme de ne pas renflouer tout, était conforme à la charte de protection et gestion du patrimoine submergé de Sofia en 96, qui a été pris en fait par l'UNESCO en 2001, et on parle toujours de préserver le site lui-même et que notre premier choix ne soit pas les fouilles, mais surtout la prospection. Et utiliser des méthodes, des techniques non destructives sur le site. Je crois que le centre se conforme maintenant avec ses règles. J'espère que les autres puissent faire ça aussi. Et laisser un accès au public sur ce site. Ça, c'était pris encore une fois par l'UNESCO en 2001. Et vous allez voir dans les principes généraux, la même chose a été réitérée encore une fois. Cela ne veut pas dire qu'en Égypte, on n'a pas pensé. En fait, on a pensé, mais on n'a pas fait. Penser, c'est depuis 1986, après l'arrivée du Le Grand. C'est la société qui est venue, l'association qui est venue pour fouiller à Aboukir sur la flotte napoléonienne. Et à partir de ce moment, on a eu comme cadeau un labo qui est accommodé qu'à maintenant par l'EDF d'analyse électrique. Et aussi, après un moment, même en 1986, on a décidé de créer un musée maritime. C'est bien qu'on n'a pas créé ce musée parce que l'idée de maritime et sous-marin, ils sont tout à fait différents, les deux idées. Mais jusqu'aujourd'hui, nos responsables ne savent pas qu'il y a une différence entre les deux. Ce musée, il devait être un musée de modèles, de maquettes, puisque la plupart des musées maritimes, en fait, ils travaillent sur les maquettes parce qu'on va pas avoir les bateaux dans les musées. Il y avait une autre idée. En fait, depuis 1996, c'est pas moi seulement qui a demandé, qui a fait un mémorandum au secrétaire général de créer un musée à Alexandrie, mais c'était aussi Jean-Yves et c'était aussi Madame Doria Saïd. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien fait. On avait cette proposition en 2006, je vais parler là-dessus après. Mais on a dit qu'on ne va pas s'arrêter comme ça, il faut prendre un pas. On a demandé de créer un centre de plongée au Citadel pour plonger sur le site qui est visible, qui est le site de Citadel. Mais nos chefs, en ce moment, ont eu peur. Ils ont dit on va pas prendre la responsabilité des blessures ou de mortes de touristes plongeurs. Donc on a dit ça y est, donc on peut laisser les centres de plongée prendre la responsabilité et en issue des billets, des tickets. Et depuis ce moment, on a fait ces tickets qui sont valables jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2002, on n'a pas changé le tarif des billets. Mais c'est mieux que rien. Donc ces centres, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'un seul centre qui a maintenu son travail, c'est Alexandra Dive, qui est juste à côté de Tekagril. Et allons voir ensemble le site de ce centre, s'il va ouvrir. Donc le centre est présidé par un plongeur, médecin hyperbare, mais qui fait tout. Donc, vous allez voir qu'il fait à côté aussi des sorties dans le désert. Si vous allez lire ce qui est écrit, vous allez mourir de rire, si je peux dire, parce qu'il dit « more than 11,000 archaeological pieces ». Secrets of Cleopatra. Vous pouvez voir ça ici. Hein? Donc, vous savez très bien que, enfin, c'est les musées, les parcs sont pour pour le plaisir de la visite, pour le plaisir des gens, mais en même temps, il y a un message à passer, il y a des informations à donner. Et donc, ce n'est pas seulement d'aller plonger et avoir le plaisir de plonger, mais il faut aussi avoir les bonnes informations sur le site. Et ça, ça n'était pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est là. On essaie toujours de maintenir les liens avec la société à côté de nous. Et donc, de temps en temps, on fait des workshops, on fait des lectures, des conférences à la bibliothèque, dans les écoles. Et Randa, elle suit tout ce travail parce qu'elle est la responsable. Mais même avec tout ce qu'on a dit pendant des années, la bibliothèque, elle a mis dans la photo une fausse statue. Ça, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On essaye toujours de propager les informations qu'on a. Pour la première fois, je remarque qu'il a la tête de Zenhawes. Donc ça, c'était pour les enfants. Nous avons pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Voilà, c'est ça, il a pas le chapeau. Dans les années 2012, l'année 2012, on a pu ramener le ministre vers le citadel encore une fois en lui demandant qu'il faut penser encore une fois au citadel et au site dans le forest pour créer un centre maritime antique qui englobe le citadel, le site du phare et aussi le site des ports d'Alexandrie. Et donc, bien sûr, vous savez, les journaux, qu'est-ce qu'ils écrivent. Et donc, dans ça, il y avait beaucoup de bruit dans 2012-2013. Enfin, on a pu finir un projet avec Bassem Ibrahim et Saad pour créer comme un premier pas un centre de plongée au Citadel. Donc, quand vous voyez le Citadel est vide, on ne voit rien au Citadel, à moins que si les gens veulent aller voir les employés qui remplissent tous les chambres du Citadel. Et donc là, on a demandé de se servir de cet espace vide, cet espace qui retire les gens. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. En fait, il n'y a rien à voir que les murs. Désolé, Catherine, que les murs. Et ce qui est. Maintenant, nous avons des fêtes de mariage. Et donc, avec Mohamed Abdelaziz, on lui a demandé de nous faire la photogrammétrie du site, de l'endroit où on va faire notre centre. Donc, on va prendre la galerie de l'est, de la partie est, avec quatre pièces ici pour les extensions du centre lui-même, et de là-bas on va commencer la plongée ou pour le site du fer ou pour le port lui-même. Voilà, les visites vont être ici, vont être effectuées ici et ici, ici et là. Donc ça peut être une visite d'un jour ou deux. Ce que je vais montrer maintenant, c'est le projet qui a été présenté en 2006 par Jacques Ruggieri. C'est un avant-projet pour un musée sous-marin dans le port est. Non. Je t'en réserve. Ah ben. Il n'y a pas de quick time. Mandek sur quick time. À la soupe. Ça y est. Et donc, tous mes concerns, c'était deux choses en fait pour ce projet. Un, l'eau, elle n'est pas propre. Et donc, ces tubes qui vont passer dans l'eau ne vont pas laisser les gens voir les antiquités à l'extérieur après un moment. Deuxième chose, le maintien du musée lui-même ou du parc lui-même, du musée lui-même sous l'eau. Les réponses c'était qu'ils vont créer deux cylindres l'un dans l'autre, et dans le cylindre à l'intérieur, ça va être un eau propre où ils vont mettre les objets à voir. Et à l'extérieur de l'autre système, de l'autre cylindre, le cylindre extérieur, on va voir les autres objets ou les installations portuaires qui existent encore dans le même endroit. Avec cette matière, je crois que c'est je sais pas quoi de carbone. C'est pas le plexiglas. C'est pas le fiberglass aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit. J'ai oublié le nom scientifique. Mais de toute façon, ils peuvent créer des grands tunnels, des grands dômes, sans faire de soudure entre les parties. Et cela va maintenir la sécurité des gens à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la propriété? C'est ça ce qu'il fait le monsieur. Il faut passer avec l'éponge chaque semaine sur les tubes. Et c'est tout. Par rapport au poids de l'eau et tout ça, ici, c'est dans un mall en Russie. Non. Il fait 34 mètres d'hauteur. Donc vous pouvez imaginer le poids et la pression de l'eau sur la matière elle-même. Et voilà. On est là, on est pour un premier pas, ce qui est le centre de plongée à Kite Bay, et un deuxième pas vers un musée dans le forest qui va être financé par une troisième partie. C'est pas par le gouvernement, pas par le ministère, c'est quelqu'un qui va venir en partenariat avec l'Égypte pour prier ce son. Je pensais que c'est difficile, mais à cause d'un seul article dans un de journaux, on a commencé à avoir des appels du Far East qui demandent si vous avez des études pour le musée et qu'ils sont intéressés. Eux aussi, d'autres appels des États-Unis pour faire partie de ce projet. Merci.